gagner la terre. J'ai marre sur une terre de boissards, les chômeurs taisent, car à la barre ils perdent des sera soi. Regarde-moi, j'irai pas voter. C'est pour la gauche ou la droite qui va me sortir de la pauvreté. Quand ça va bien, le ciel est gris, seule la plupart. Donc j'écris, je crois bien que c'est foutu pour la plupart. Regarde-moi, j'ai plus qu'une corde à mon arc. Et si je me plante, ce serait hardcore de se pendre à mon âge. Y'a 2-3 putes dans toutes nos nights. J't'assure, écoute, la brigade des stupes ou la bac qui est sur nos côtes. Les têtes ont l'air ému, mec, y'a que des regards perdus comme le perdu. Mise ton salaire de merde au PMU. Faire un peu d'études pour faire un peu de thunes. C'est se mettre un doigt dans le cul, faut même le pack pour faire la pute. Regarde, les flics laissent le trafic se faire. La cesse, ça attire les toupaps, ça fait plaisir à son maire. À sa mère, y'a pas de frère, donc faut qu'on s'arme. Y'a pas de couleur, tout milliardaire perd son bronzage. Je regarde à terre, entre le sang et les molars, terre tarde la terre. Pressé comme la sauce pas d'un mandataire. Ici c'est sec, en plus regarde les jours qui se répètent. Tu crois peut-être aussi fait comme pour un qui se débête. Tu ne vois que le mal quand le vice te tient compagnie. Les fils de pute par la vérité se cache. Pourtant le monde panique, je sais que j'ai certains propos qui les feraient pas lire. Je vous baisse tous, moi c'est pas le rap qui va venir me nourrir. Observe la merde, c'est pittoresque. Mec, le monde tourne à l'envers, les femmes ont des couilles qui poussent. Pendant que les hommes les perdent, c'est du corps, pas du gospel dans les embrouilles. C'est la crosse qui gère, n'oublie jamais qu'à ton enterrement, c'est les gosses qui payent la pourriture, résiste. Les meilleurs sont vos premiers. La couronne et le royaume ne demandent qu'à être détrônés. Nombreux sont ceux qui tentent la perche, j'espère pouvoir pousser. Tu sais, je crois bien que c'est la solitude que je vais finir par épouser. À force de voir, j'ai soif de haine, de boire le soir me peine. À croire que les stars me cherchent, l'espoir finit par se perdre. Les seules vertus sont celles de la verdure. La rage fait monter le mercure. Regarde l'amertume, on n'est pas perdu, mais la crise perdure. La rue s'est faite troncher par le diable. Un coup sans péridural, ce monde crève la dalle. Les voir mourir pour elle n'est pas un drame. Les roses perdent leurs pétales, les mecs s'en foutent, deviennent des pédales. Devant l'arme, ça arrache aussi vite qu'une brigade. Regarde un peu comment certains s'en sortent pour de la monnaie. Observe la merde, c'est vite qu'il reste ces flics, laisse le trafic se faire. Tu vois tout le mal quand le vice te tient compagnie. La monnaie, terrain zoné, chômé, espoir gommé, pauvreté pardonnée. La chance est paumée, les baskets collées, les rêves envolés. Par la routine, la route tombe dans un sens que personne connaît. Bavure entassée mais discrète dans les journaux. Un coup de couteau dans le dos de la vie quand la mort part au boulot. Chine, deal, les petits partout le matin. À l'heure où les grands reviennent de Paname, les poches vidées de planches catin. C'est la merde, y'a pas de sous, l'ami. Marche le long de ma rue et t'apercevras la Roumanie. L'envergure est d'envergure, sniff l'enfer pur. L'œil flouté n'a jamais vu autant de serrures. Le schmout t'attend assis sur un banc. Se donne en spectacle suspectable d'être coupable pour un court instant. Une seule goutte suffit à contaminer tout le vase. Le coup de grâce devient inattendu, l'amertume laisse un coup de trace. Le mensonge entraîne le troupeau vers ravin. Les yeux des bâtiments sont remplis de chagrin. L'homme se bat pour être parrain, pire pour y périr. Le corps de la colombe est en train de pourrir. Un pari perdu pour eux. Voir ta famille se faire ligoter juste pour t'épingler. Y'a de quoi slinguer, les abus policiers rendent cinglés. Sens comme un truc en train de cramer. Est-ce la race ici bien elle? Il suffit qu'une bastos pour la calmer. C'est le bordel humanitaire, planète devient déchet. L'empêcher, plutôt la quitter après l'avoir séché. Façon partout où nous mettons les pieds, la vie se meurt. Comme pris de peur, un liquide de haine m'a regardé. Regarde un peu comment certains s'en sortent pour de la.